Bon, alors, merci d'être venu dans ce joli local du CIRA, le Centre international de recherche sur l'anarchisme. On est propriétaire de ce local maintenant depuis 2 ans. On a une histoire de presque 50 ans, c'est en 2015, en fait, centenaire. Alors, merci, c'est un archive, une bibliothèque, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, vous êtes bien invités. Si vous voulez emprunter des livres, vous pouvez atterrir ici. On a aussi des archives, des fonds, des libertaires décédés, par exemple Pepita Carpeñas et d'autres. Et on fait régulièrement des conférences sur des recherches des militants ou des universitaires sur des différents sujets de l'histoire ou du présent de l'anarchisme. Aujourd'hui, bon, on est dans un projet qui date depuis longtemps. C'est un projet à la fois espagnol et allemand, et je vous présente ici Harald Piotrowski, qui est à l'origine de plusieurs recherches sur les contributions des Allemands, des anarchistes, anarcho-syndicalistes allemands fuyant Hitler, allés en Espagne, à Barcelone, pour y lutter contre le fascisme franquiste et allemand aussi. Et il a ce projet de, on va dire, trilingue. Ça a commencé pour lui avec une recherche en 2004 des traductions, des témoignages des militants qui ont participé dans la Révolution espagnole. Ça, c'était le premier livre. Je vais un peu tourner. Vous pouvez un peu regarder dedans. Là, il a traduit aussi des témoignages des groupes qui, à l'époque, sont été membres de DAS, de groupes anarcho-syndicalistes allemands, qui a une histoire aussi, qui est fondée en Pays-Bas, je pense. Oui. Et puis bouger pour Barcelone. Et Dans ce livre-là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment un gros travail sur les Allemands qui sont, les anarchistes allemands qui sont venus en Espagne. Il a lu des textes, des articles d'un chercheur, Dieter Nelles, qui a fait des recherches sur le même sujet que en Allemagne. Je dois dire d'abord, c'est pas seulement Harald qui a fait ce livre-là, c'est aussi un éditeur et un militant, un chercheur, Carlos Garcia, qui est déjà à l'origine de ce livre-là, qui est éditeur de Alicornio. Et donc Harald et Carlos se sont mis ensemble de continuer leur recherche sur le groupe DAS. Bon, ils ont visité Amsterdam, l'Institut international d'histoire sociale, le grand archive de guerre civile à Salamanca, l'archive nationale Catalogne, Hemeroteque Barcelone, archive des journaux, notamment le centre de documentation de l'Ateneo Enciclopédico Popular. Et là, par exemple, ils ont aussi trouvé des échanges de lettres de groupes DAS, je fais le raccourci là, à Barcelone, avec les militants de DAS qui sont été pendant la guerre allés au front, qui ont fait un groupe DAS au front. Il y avait un échange de lettres, ils ont découvert ça. Et puis, ils ont contacté Dieter Nelles, et Dieter Nelles a eu une autre histoire de se rapprocher à ce sujet, et ça date déjà de beaucoup plus longtemps, à la fin des années 80. Il y avait un groupe de chercheurs, Dieter Nelles, entre autres aussi Ulrich Linse, qui figure dans les auteurs, c'est ce qu'on a maintenant, de l'édition espagnole et de l'édition allemande. Et à l'époque, il y avait un courant, un trimestriel qui n'existe plus, le Schwarze Faden, le fil noir. Et au sein de ce revue-là, il a publié des articles et fait des recherches sur le groupe DAS. Bon, maintenant, au fur et à mesure qu'ils ont pris des contacts, ils ont, sur des années, continué leurs recherches, les mis ensemble. Bon, et maintenant, c'est la version espagnole qui est parue en 2010. C'est le premier résultat de quatre de Dieter Nelles, Ulrich Linse, de cette filière de recherche en Allemagne, et de Carlos Garcia et Harald. Harald, je dois dire encore, il est allemand, il a étudié à Brême, à Hambourg et puis à Barcelone, et il vit depuis 30 ans à Barcelone, donc il est espagnol, on peut dire au moins de langue et de souche. Et puis, donc ce sont ces quatre qui se sont visités, échangés, et ils ont fait ce projet de publier un livre sur les activités des anarchistes, anarchistes syndicalistes allemands à Barcelone pendant les années 33 jusqu'à 39. Et c'est la recherche le plus exacte, on peut dire, aujourd'hui, parce que parmi les environ 230 militants à l'époque autour du groupe DAS. On a maintenant dans le livre espagnol et aussi dans le livre en langue allemande, ce qui est paru en 2013, un annexe de 86, je pense, militants, une biographie, une courte biographie des militants, dont on a vraiment trouvé des traces et un peu de leur fil d'activité à Barcelone en ce temps-là, et bon, un peu leur suite de leur vie. Donc, et avec ça, on peut aussi dire que, bon, je vais tourner un peu le livre en espagnol et le livre en allemand, si vous voulez, je suppose, il n'y a pas trop des gens qui peuvent vraiment regarder. Merci. Et on peut dire que ça s'ajoute aussi un peu à des recherches qui ont fait un groupe ici en France, des gymnologues qui ont sorti ce livre-là, Les Fils de la Nuit, qui trace notamment parcours des militants qui sont venus de l'Italie et de France. À Barcelone pour militer. Et là, on sait qu'il y a une version espagnole et une version française. Et nous, on a, bon, peut-être l'espoir qu'on a sur ce livre-là même un projet trilingue. C'est déjà paru en 2008 un livre sur les miliciens. Bon, de tout genre, de tout courant, de tout des internationaux. Et là, il y a un très petit sommaire de Dieter Nelles sur les activités de DAS à Barcelone. Et maintenant, j'ai déjà contacté Daniel Pinos de les éditions Noir et Rouge à Paris. Et il est décidé de faire une traduction, parce que là, c'est que un sommaire de 16 pages. Faire une traduction de ce livre en langue française. Donc, ça, c'est pas encore réalisé, mais c'est le projet. Pour ça, on peut intituler ça projet trilingue. Et bon, je suis très heureux qu'on a déjà deux éditions. Et bon, je suis très heureux que Harald est là. C'est pas facile d'organiser quelque chose pour quelqu'un de venir à Barcelone. Et je lui donne la parole. Je suis heureux que vous êtes là. Merci. Bonsoir. Bon, en premier lieu, je voulais remercier Ophira pour l'organisation de cet acte. En deuxième lieu, bien sûr, à Christian pour avoir publié le livre en allemand et pour aussi avoir aidé, disons, à l'organisation de l'acte. Et troisièmement, je voulais m'excuser un petit peu pour mon français défectueux, disons. Bon, mais quand même, j'espère que vous me compreniez tout le temps. Bon, pour nous situer un petit peu dans l'histoire de cette groupe d'As, on doit se remonter, bon, si on veut, au siècle 19, mais c'est pas nécessaire, mais peut-être aux années 20 du siècle passé, après la guerre mondiale. Il y avait en Allemagne toute une mouvance révolutionnaire, des contestations sociales. Et dans cette situation, se fonde un grand syndicat anarcho-syndicaliste en Allemagne. Bon, beaucoup de gens pensent anarcho-syndicaliste en Allemagne, c'est pas connu. Et réellement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent qu'en Allemagne, il y avait aussi une tradition, une certaine tradition anarcho-syndicaliste, spécialement dans cette année-là. C'était aussi une réaction, disons, à la fondation de ces syndicats vers l'organisation des groupes communistes en Allemagne. On sait qu'en 1923, je crois, avant 19, il est fondé l'International communiste à Moscou. Et comme réaction... aussi, ça, on fait la fondation de l'AIT, l'Organisation internationale des travailleurs, du signe anarcho-syndicaliste. Et en Allemagne, le groupe, disons, le syndicat s'appelait FEAU, Freie Arbeiterunion d'Allemagne. Donc, les DAS, disons, c'était tous les membres de ce syndicat. L'origine des DAS, c'est le syndicat allemand pendant les années 20. Cet syndicat, bon, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ici c'est quoi l'arco-syndicalisme historique, mais plus quelques phrases peut-être, non, que c'était... Pas un syndicat comme les syndicats réformistes. En Allemagne, c'était très fort, cette tendance réformiste, avec l'influence du parti socialiste, social-démocrate. Mais l'anarchisme allemand, l'anarcho-syndicalisme allemand, voulait plus de choses que seulement un vie laborale, un petit mieux, peut-être en lieu de travailler 12 heures... 10 heures ou 8 heures, mais ils ont entendu que les syndicats révolutionnaires, c'est aussi, disons, une espèce de germe déjà dans la société capitaliste de la future société socialiste ou anarchiste. Et pour ça, ils ont mené aussi, pas seulement des actions syndicales typiques, des grèves, des boycotts peut-être, mais aussi des actions directes. Et aussi une vaste organisation culturelle pour changer des mœurs déjà dans la société capitaliste, pour fonder ce que s'appelait à l'époque un nouveau homme. Les syndicats allemands avaient des bastions très forts, spécialement dans le Ruhr, la grande zone industrialisée plus grande d'Europe à l'époque. Dortmund et toutes les villes Essen, non, ça c'est connu, je crois. La région de Thuringen, je ne sais pas comment on dit en français. Thuringe. Thuringe. Et bien sûr aussi à Berlin. Et pour donner quelques chiffres, par exemple en 1920-21, c'était plus ou moins l'époque plus forte du syndicat. Le syndicat avait compté avec plus ou moins 550 000 membres. Mais après, c'était la chute, peu à peu. Il y avait quelques événements très durs en Allemagne. avec la répression très forte, disons, des restes de la vieille armée allemande, des fameux Freikorps, c'était des bandes des soldats, des officiers, disons, de l'ex-armée allemande. Ils sont, disons, réprimés avec l'appui du Parti social-démocrate, toute tentative de changement plus ou moins radical de la société allemande. Et avec ça, il y a aussi avec une certaine stabilisation, disons, de la République de Weimar, après de 23 plus ou moins, 24, disons, l'anarcho-syndicalisme allemand, il est descendu vers des chiffres très très pauvres. Quand Hitler prend le pouvoir en 33, le syndicat compte seulement avec plus ou moins 4000 membres. Donc avec ça, je voulais finir un petit peu la première part. Maintenant, avec le fascisme, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne et en Espagne? Bon. Bien sûr, toutes les organisations ouvrières étaient illégalisées. Aussi la FAO s'avait préparé déjà avant pour la clandestinité parce que c'était visible, disons, que la prise des pouvoirs d'Hitler, ça veut dire plus de choses que seulement une époque plus ou moins longue de répression, mais vraiment un autre régime plus féroce que quelconque d'autre avant. Et beaucoup des Allemands, ils s'émigrent vers les pays voisins, spécialement la France, l'Hollande, la Suède, mais aussi à l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Bon, c'est bien connu qu'en Espagne, il y avait un fort mouvement anarcho-syndicaliste, disons le plus fort de toute l'Europe, de tout le monde, avec la grande organisation CNT. Il y avait déjà avant... Et dans les années 20, il y avait des contacts personnels entre quelques anarchistes allemands et des anarchistes espagnols. Par exemple, le même Durruti, il était à Berlin pendant quelques temps pour se cacher, parce qu'il était cherché en Espagne pour des actions, disons, plus ou moins violentes. Et à l'autre côté, il y avait des figures très connues comme Agustín Suchi, c'était à l'époque le secrétaire international de l'organisation des travailleurs à niveau mondial, non, des anarcho-syndicalistes. Il y avait des contacts, il a fait des voyages plus ou moins fréquents à l'Espagne, il connaissait assez bien la situation espagnole. Il parlait aussi l'espagnol. Donc, pour ça, quand la FAU était illégalisée, quelques anarchistes allemands, en concret, je crois, la chiffre c'était 22, ils se réfugient à l'Espagne. Déjà, les premiers, déjà avant de la prise des pouvoirs de Hitler, par exemple, une dame qui n'était pas membre du groupe DAS, mais très proche du groupe. En Allemagne, elle était très connue, une dame qui s'appelait Etta Federn, c'est une écrivaine qui avait publié des livres sur Goethe, sur des politiciens allemands. Elle était menacée par les fascistes déjà avant de la prise du pouvoir de Hitler. Donc elle s'est réfugiée en Espagne avec ses filles et elle a suivi avec ses activités, disons, littéraires. Et il y a, dans la presse de l'époque, on peut réellement trouver des écrits d'elle, des mentions dans la presse et tout ça. Mais le groupe DAS, bon, c'était un essai de réorganiser, disons, le syndicat à l'exil. Ça s'est fait en 34, fin de 33, principe 34, en Amsterdam. Et après, on a On a changé, disons, le lieu de la centrale à Barcelone. Mais avant, c'était Amsterdam et Paris, il y avait aussi des contacts. Et il y avait d'autres motifs pour aller à Espagne. Espagne, à l'époque, c'était un pays relativement pas trop cher. Il y avait un bon climat. Bon vin, et c'était pas trop facile, difficile d'entrer sans avoir beaucoup de papiers, non, les typiques, le problème des frontières, tout ça. Donc il y avait des possibilités aussi de trouver des travails, ou de travailler comme autonome, disons de petits commerçants, petits, je sais pas, représentants des entreprises. On doit savoir qu'à l'époque, on est à Barcelone, il y avait une grande colonie d'Allemands déjà, pas des anarcho-syndicalistes, mais de toutes couleurs, disons, des petits commerçants, des grandes entreprises allemandes, et tout ça, c'est important parce qu'après, on va voir qu'avec le montée du fascisme aussi à Barcelone, les fascistes, ils ont pris chaque fois plus de pouvoir dans cette colonie d'Allemands. Et pour les Allemands réfugiés, d'un côté des anarcho-syndicalistes, il y avait aussi des communistes, des social-démocrates, et après 1933, et spécialement 1936, beaucoup des juifs. Ils se sont réfugiés temporairement, au moins, à Barcelone, à Espagne. Mais à la ville, il y avait cette groupe des nazis, contrôlé spécialement par le consulat allemand à Barcelone et aussi, disons, l'ambassade à Madrid. Ils ont monté tout un réseau d'organisations culturelles, sportives, tout ça, pour se camoufler, pour ne pas opérer comme nazi ouvertement, parce que le parti nazi était interdit après 1931-1932 avec le commencement de la Deuxième République en Espagne. Donc ils se sont camouflés, toute une série d'organisations qui aujourd'hui même existent encore, par exemple les services d'échange académique, peut-être quelqu'un les connaît, c'est l'Erasmus. Non, c'est le DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst. Par exemple, avec ce service, j'étais en Espagne et en France comme étudiant. Parce qu'ils donnent des bourses pour des étudiants maintenant. Avant, c'était autre chose. Donc, les réfugiés anarchistes, bon, ils ne pouvaient pas opérer, disons, ouvertement comme tel groupe. C'était les DAS. À l'époque, c'était plutôt un groupe informel, disons, des contacts personnels, d'échanges d'informations, d'idées, de débats. Mais ils n'ont pas opéré ouvertement comme un groupe antifasciste ou anarchiste, anarcho-syndicaliste. C'était qu'en avril de 1936, un peu avant du commencement de la guerre civile, que le groupe s'attarait à l'organisation anarchiste FAI, la Fédération Anarchiste Ibérica, comme groupe en plus. Un moment. Oui, donc on fait le saut maintenant à directement le commencement de la guerre. Et quand la guerre éclate avec le putsch du général Franco, disons, les anarchistes, spécialement à Barcelone, étaient déjà préparés. Ce n'était pas une surprise totale, comme peut-être on peut croire ça. Même le gouvernement catalan, il était aussi déjà plus ou moins informé. La police était en état d'alerte. Mais les anarchistes, ils ont constitué des groupes de défense déjà dans les années 1934-1936, quand il y avait en Espagne tout un gouvernement de réactionnaires, des partis de droite. Et avec une répression hyper forte, parce qu'en 1934, il y avait la révolte des ouvriers en Asturie, mais aussi en Catalogne, il y avait des émeutes ouvriers, il y a aussi des tentatives des catalanistes, disons des nationalistes catalans, d'avoir un État propre. Donc le gouvernement de Madrid elle a réagi très fortement avec une répression féroce, plus de 20 000, 30 000 anarchistes oppositeurs dans les prisons. Donc, pour ça, la CNT elle avait organisé des groupes de défense. Et ces groupes de défense, ils ont attaqué des casernes. Bon, dans la plupart, ils ont permis que les soldats sortent des casernes pour après attaquer toutes les troupes. Non? Et les DAS, c'était avec les camarades espagnols. Ils savaient plus ou moins où étaient les maisons, les entreprises des nazis. Donc ils ont attaqué les maisons et, locales des groupes nazis, même camouflés. Et il y a quelques témoins sur cet événement. Dans le livre, on a publié quelques-uns. Et dans cette action contre les nazis, ils ont trouvé des armes, mais aussi, presque plus important, beaucoup de documents. Et tous ces documents, à l'époque, on parlait de 40 000 documents, on pouvait prouver que le nazisme, à travers son organisation, avec son parti à l'extérieur, le NSDAPAO, avait fondé tout un réseau clandestin dans les pays pour contrôler les émigrés, pour l'espionnage industriel et politique, et pour influencer la politique espagnole, la presse et quelques secteurs des militaires. Avec cette documentation, le groupe DAS avait publié en 36, et en 37, pardon, tout un livre qui s'appelle le livre Noir-Rouge pour documenter tout cet réseau du nazisme en Espagne. Dans ce livre-là, dans l'édition espagnole, on voit ici, disons, c'est le, comment on dit ça, le... couverture. La contre-couverture, c'est la contre-couverture du livre. On voit ici tout un photomontage, non, Hitler, les avions, l'intervention allemande dans la guerre. Il y a aussi un document ici qui, selon le DAS, devrait prouver l'intervention directe du régime de Hitler en la préparation du coup de Franco. Mais selon les investigateurs espagnols d'aujourd'hui, on ne peut pas prouver réellement, disons, que les hitlériens savaient exactement la date et tous les préparatifs du coup de Franco. Bon, mais quelques jours plus tard, il y avait des délégués des Francons qui ont voyagé à Berlin, ils ont obtenu l'appui qu'ils voulaient. Des avions, des soldats, des camions, des chars, tout ce qu'ils voulaient. Donc, avec les actions contre les nazis, le DAS a pris déjà un rôle très important dans les événements de ce mois-là. Bien sûr, les DAS, ils n'ont pas actué pour leur propre compte. Ils étaient appuyés et protégés par la CNT, spécialement par les groupes d'investigation de la CNT. C'était quoi? C'était une espèce de police secrète, disons, des anarcho-syndicalistes. Et donc, les DAS, ou quelques membres du DAS, ils formaient part de cette groupe d'investigation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché, avec les listes, avec les documents trouvés, toutes les maisons des Allemands, toutes les entreprises où il y avait des propriétaires ou techniciens ou ouvriers allemands. Ils ont investigué s'ils sont des nazis ou pas, s'ils sont des sympathisants des nazis ou pas. Et dans quelques cas, ou beaucoup de cas, ils ont parlé avec leurs copains espagnols, et ils ont dit, bon, ces messieurs-là, bon, sont dehors, non, expulsion. Il y a toute une correspondance qu'on a trouvée dans les archives à Barcelone, dans l'archive nationale de Catalogne, d'une correspondance entre le consul allemand et le gouvernement légal, toujours, et la généralité à l'époque, et où le consul allemand proteste vivement contre les actions des juifs allemands, des communistes allemands, et quelquefois il mentionne même des anarchistes allemands. Pour les nazis, tout c'était la même chose, juifs, communistes, anarchistes, socialistes, je sais pas, bon, pour ça, on ne peut pas toujours prendre à la lettre ce qu'ils disent le consul, parce que c'était clair, la grande majorité des actions s'étaient effectuées par les anarchistes. Il y avait aussi des communistes, on parlerait après de ça, mais les anarchistes allemands, ils avaient l'appui de la forte organisation de la CNT. Donc, c'était une première tâche, disons, les groupes d'investigation. Après, le groupe DAS a assumé aussi le travail de contrôle des Allemands volontaires, parce que tout de suite, de l'exil en France, de l'Hollande, de la Suède, venaient des Allemands exilés pour appuyer la lutte contre Franco. Donc, le groupe DAS avait comme tâche de savoir, investiguer, c'est vraiment un militant fiable ou c'est peut-être un agent provocateur, un agent du nazisme ou du franquisme. Le troisième tâche, c'était le contrôle dans les frontières, dans les aéroports, dans le port, il y a la poste, la censure, non, pour avoir une idée qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Il y a si et de cette manière aussi, quelques éléments du DAS, ils ont entré dans cette groupe de contrôle. Et une autre tâche, c'était la fondation d'un comité d'émigrés, le fameux CIDEA, c'est le comité international des émigrés antifascistes. On a fondé ce groupe en août. 36, oui. Et dans ce comité, on peut voir déjà, disons, quelques problèmes qui après surgissent au niveau plus ample. Parce que ce comité s'était composé pas seulement des anarchistes allemands, mais aussi il y avait des communistes allemands, près du Parti communiste officiel. Il y avait aussi des délégués des partis dissidents socialistes communistes qui étaient proches du parti en Espagne et du PUM, du Parti d'ouvriers unité marxiste. Non? Donc, dans ces comités des émigrés, il y avait du tout, disons. Non? Et déjà, dès le commencement, il y avait quelques problèmes, je raconterai plus tard plus de choses, avec les communistes. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'un petit groupe, avant presque totalement déconnu, méconnu, d'un coup avait eu une influence très forte dans l'immigration allemande à Barcelone. En fait, c'était le groupe plus influent dans l'immigration allemande à cette époque-là. Il y avait d'autres tâches organisées par le groupe, bien sûr, c'était la propagande en 36, non, 37. Au début, ils ont édité une petite revue qui s'appelait La Révolution sociale. C'était une tentative de contre-informer dans les brigades internationales, dans le front d'Aragon, contre l'information, la propagande communiste. Non, cette revue s'est publiée jusqu'à les événements de mai 37, plus ou moins. Non. Il y avait aussi un bulletin en langue allemande où quelques Allemands du DAS ont participé. C'était le bulletin officiel de la CNTFI en langue allemande. Il y en avait plusieurs en français, en anglais, en polonais, mais aussi en allemand. Le personnage plus connu, dans l'anarchisme allemand en Barcelone, c'était peut-être, à part des sushis, c'était Rüdiger. Après, il était secrétaire de la AIT. Mais à l'époque, au commencement, c'était, disons, le responsable de la propagande allemande à Barcelone. Ils ont fait aussi des émissions de radio en langue allemande. Et bien sûr, ils ont édité des brochures et bien sûr le grand livre rouge-noir contre le fascisme. Maintenant, on doit parler un petit peu sur la politique de la CNT dès le commencement de la révolution, des événements de la guerre civile, parce qu'il y avait une décision prise quelques jours, même les mêmes jours, disons, de la révolte, de fonder une organisation qui s'appelait le comité central des milices antifascistes. Dans ce comité central, ce n'était pas seulement les anarchistes, mais c'était vraiment l'organisation avec distance la plus forte en Catalogne. Il y avait aussi des délégués, disons, des communistes, des socialistes, du syndicat socialiste, mais aussi des républicains. Parce que le gouvernement officiel, c'était les catalanistes du parti IRC, c'était les républicains catalans de gauche, et le président du gouvernement, c'était un monsieur de ce parti. Et donc, ils ont décidé, dans quelques réunions très vivement, avec beaucoup de discussions très vives, de fonder cette organisation. Mais ça veut dire qu'il y avait une espèce de politique de compromis avec des autres forces politiques. Et ça se voit après que ça a apporté quelques problèmes dans leur propre rang, pas seulement entre les étrangers, parce que les étrangers c'était très peu, non, disons quelques centaines d'Allemands et plus de Français et aussi des Italiens, mais aussi même dans le même syndicat, dans la FAI espagnole, parce qu'il y avait des tendances qui s'opposaient presque dès le début de cette politique de collaboration avec les gouvernements espagnols ou le gouvernement catalan dans ce cas-là. Et aussi dans le groupe DAS, il y avait plusieurs positions sur ça. Il y avait des messieurs comme Rüdiger au Sushi qui plus ou moins c'était bon, on ne peut pas faire d'autre chose, on doit collaborer. Il y avait d'autres gens dans le DAS qui s'opposaient plus ou moins fortement contre cette politique. Donc, bien sûr, une part, du groupe de DAS, avec les premières milices, ils sont allés au front d'Aragon. Concrètement, c'était le groupe Erich Mühsam, c'était un groupe composé par quelques gens du DAS et quelques gens ex-communistes qui étaient avant dans un groupe communiste qui s'appelait groupe Thälmann. Thälmann, c'était un grand leader communiste tué par les nazis après. Donc les anarchistes, ils ont essayé dès le début de convaincre aux communistes de militer dans les milices anarchistes contre la volonté des supérieurs, des chefs communistes. Parce que les brigades internationales, c'est plus tard. Moscou, disons Staline, il n'a pas décidé de faire des brigades internationales qu'en septembre, ça veut dire 2 mois après du commencement du conflit. Mais il y avait déjà des centaines, des milliers des volontaires de toute l'Europe et d'outre-mer qui voulaient lutter avec les Espagnols contre le fascisme, contre le franquisme. Et bon, il y avait bien sûr beaucoup d'Allemands communistes, parce que le Parti communiste en Allemagne était vraiment une partie très nombreuse encore. Donc il y avait des communistes un peu, disons, critiques, qui, après quelques problèmes avec leurs supérieurs, ils ont décidé d'aller avec les anarchistes sur le front d'Aragon. Sur le front d'Aragon, il y avait cette groupe-là, ils s'étaient intégrés dans le groupe international où il y avait aussi des groupes, des Français, des Italiens, d'autres nationalités. Disons, le groupe plus fort, je crois, c'était les Français, et après les Italiens, et le troisième groupe, c'était les Allemands. Plus ou moins 120, on peut compter plus ou moins 120 personnes dans le groupe allemand pendant la guerre. Non, c'était pas toujours le même numéro dans le front, parce qu'il y avait des blessés, il y avait aussi des désertions, il y avait des gens pour prendre des congés à Barcelone et tout ça, mais plus ou moins, on peut, pour avoir une idée, c'était plus ou moins 100, 120, 150 personnes dans cette groupe internationale, dans la section allemande. En total, on compte plus ou moins entre 1500, 2000 étrangers dans les colonnes anarchistes dans le front. Les délégués politiques dans le groupe allemand, c'était un tel Michaelis, ami de Rüdiger. Il était très convaincu aussi, disons, que les instances officielles de la CNT, ils ont toujours raison. Donc il a défendu toujours, disons, la politique officielle de la CNT vers ses camarades. Il y avait aussi quelques personnes oppositeurs dans les milices. Parce que très tôt, disons, le gouvernement avait décidé de militariser toutes les milices. Les motifs, bon, il y a toute une littérature sur ça. Officiellement, c'était, la faute de discipline des anarchistes dans les milices. Ils ne sont pas très... très avec beaucoup de valeurs. Ils ont je ne sais pas. Mais on a beaucoup de témoins de l'époque que les anarchistes, spécialement, ils se moquent des fautes d'armes ou des sabotages des officiers républicains, beaucoup de fois plus tard des communistes. Et pour ça, il y avait une tense atmosphère dans le front. Il y avait des discussions partout. Et avec les décrets de la militarisation, beaucoup des anarchistes ne voulaient pas suivre cette politique. Spécialement les Italiens et les Français, ils s'opposaient. Les Allemands, pas tellement, il y avait quelques critiques, mais en fait, ils acceptaient, disons, la ligne générale de la militarisation, mais ils ne voulaient pas des salaires différents entre officiers et soldats. Ils voulaient la liberté de la presse dans l'armée. Ils voulaient aussi pas des signes d'autorité des officiers, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Des galons. Donc ils ont fait une résolution, mais disons, la généralité, disons, les chefs de l'armée républicains, ils ont refusé ça, aussi les anarchistes. Disons dans les positions importantes. Le même monsieur Sushi, on a des témoins qui étaient au front pour convaincre aux anarchistes français, parce qu'ils parlaient aussi français, de laisser tomber toute critique vers ce décret de militarisation, avec des arguments, bon, toujours des pragmatismes. On a pas de choix, parce qu'on dépend des Russes, les Russes ils ont des armes, et si on veut des armes, on doit plus ou moins faire des pactes avec des communistes et des républicains. Donc c'était la situation, et donc il y avait quelques-uns qui ne voulaient pas accepter cette politique, ils s'étaient expulsés du groupe allemand, ils devaient retourner à Barcelone. Il y avait aussi dans les groupes, il y avait des Suisses, par exemple le couple Thalmann. C'était justement dans le groupe où étaient les gens des DAS. Il y a des témoins dans les livres des Thalmann. Ce n'étaient pas des anarcho-syndicalistes, c'était des communistes de gauche, des oppositeurs aux lignes de Moscou. Mais il y avait des sympathies très fortes pour le narco-syndicalisme espagnol. Donc, j'ai parlé déjà des premiers conflits avec les communistes, quand les anarchistes allemands ont essayé de convaincre aux communistes de militer dans les milices anarcho-syndicalistes. Il y avait d'autres conflits. Il y avait, par exemple, à mesure que le front avançait pas, les restrictions de la guerre avançaient, tous la politique, disons, du gouvernement de freiner les collectivisations dans le champ, mais aussi dans les grandes villes, tout ça provoquait du mécontentement dans les groupes de DAS, et aussi dans d'autres groupes. Il y avait donc une espèce de scission, mais on peut dire à droite, dans le groupe DAS. Il y avait, disons, l'ex-leader du groupe en Allemagne, un tal Ferdinand Goetze. Il avait pris des contacts avec des dissidents nazis, aussi présents à Barcelone. Il voulait fonder tout un nouveau groupe social-révolutionnaire en comprenant tous les oppositeurs au fascisme international, au fascisme allemand, même des dissidents nazis, qu'il y avait quelques-uns aussi, des vieux officiers, des monarchistes, ils n'étaient pas d'accord avec le nazisme officiel. Et ça a provoqué beaucoup de frictions dans le sein du DAS, mais aussi avec des personnages dans l'organisation de la CNT, spécialement dans le bureau de la propagande extérieure de la CNT FAI, ça veut dire Sushi, il y a un monsieur qui s'appelait Goudel. Ce monsieur, il avait appuyé ce petit groupe, c'était 3-4 personnes, pas plus, non? Et il a facilité des armes à cette groupe pour lutter comme officier dans le front et pour faire des cours pour les jeunes anarchistes, pour enseigner l'usage des armes et tout ça. Même le groupe, il a développé tout un plan, peut-être un peu fou, de monter des groupes de choc dans le front pour aller derrière les lignes d'ennemis. Et la majorité des groupes d'AS, ils sont déceptionnés. Bon, c'est quoi ça? Un autre groupe, en plus, collaboration avec les dissidents nazis, ils n'étaient pas d'accord. Donc, chaque fois plus, avec, disons, le peu avancement, disons, de la révolution, ça fait que quelques-uns, ils veulent quitter les milices, ils seront à Barcelone, ils cherchent des petits boulots dans les syndicats. Et à un niveau national, spécialement à Catalogne, le mécontentement aussi croise. Et il y a chaque fois plus des conflits armés entre les anarchistes, ou quelques anarchistes, et les communistes. Avec les résultats finaux des événements du mai 37, où il y avait des luttes pendant presque une semaine entre, d'un côté, les républicains socialistes et communistes, et de l'autre côté, les anarchistes et les gens du POUM, avec plus de 500 morts. Presque tous les gens à l'époque qui étaient à Barcelone du DAS, ils étaient bien sûr à côté de la CNT, les anarchistes, Ils ont même monté une barricade devant du consulat allemand, c'était déjà leur maison, non, où ils avaient des bureaux, tout ça. Il y a des témoins sur ça, spécialement bon, dans le livre, il y a quelques-uns, mais aussi dans notre livre des témoignages des barricades. Après ça, disons, c'est le commencement de la répression féroce des staliniens. On doit savoir que les partis communistes avaient déjà monté un service secret dès le commencement, même avant de la guerre, des contrôles et vigilance de tous les émigrés allemands à Barcelone. Et avec, disons, la croissance du pouvoir des communistes dans la constellation de la guerre, spécialement disons, appuyé par les armes et le prestige de l'Union soviétique, ils ont, à partir de mai 1937, ils ont vraiment poursuivi tous les oppositeurs, soit socialistes, soit communistes, soit anarchistes, et spécialement les étrangers. Ça veut dire que presque tous les membres du parti du groupe DAS s'étaient détenus, s'étaient mis dans les prisons clandestines, les fameuses Tcheka, c'était les prisons du Parti communiste. Il y a quelques témoins des maltraitements, pas de torture. D'autres gens, ils étaient torturés, même tués. Les gens du DAS, ils ont eu plus ou moins de la bonne chance, on dit ça. La chance. De la chance. Ouais. Ils n'ont pas subi ce type de traitance, mais aussi d'autres souffrances. Et quelques-uns, ils s'étaient tout de suite expulsés de l'Espagne. D'autres, ils étaient dans les prisons jusqu'à bien entrer l'année 38. Et maintenant, c'est un autre épisode de conflit entre les groupes DAS et les instances supérieures de la CNT, parce que officiellement, pour la CNT, ces gens-là expulsés, c'était les traîtres. Parce qu'ils ne sont pas restés en Espagne pour lutter. Ils se sont emmenés quelques-uns, ils se sont emmenés l'archive du DAS. Donc il y avait toute une polémique autour des prisons, des prisonniers du DAS, les instances de la CNT, il y avait des commissions juridiques, tout ça. Et après, à l'exil en France, c'était toujours encore, disons, presque la rupture du groupe DAS à cause de cette politique à l'époque des instances de la CNT d'aider très peu ou très tardivement aux prisonniers du DAS. Avec la fin de la guerre civile, les derniers éléments qui s'était, disons, camouflé dans les brigades internationales ou dans les unités militaires anarchistes qui étaient intégrées dans l'armée républicaine. Ils se sont survis jusqu'à la fin de la guerre, dedans, mais pas comme groupe, sinon comme individu. Mais avec la fin de la guerre, disons, tous les Allemands qui n'étaient pas encore en France ou en Suède, spécialement parce qu'il y avait aussi le syndicat suède, c'était le deuxième syndicat anarcho-syndicaliste en Europe, le SAC. Ils avaient des étroites connexions entre les Allemands et eux. Donc, presque tout le monde était premièrement dans les champs de concentration dans le sud de la France, spécialement à Gourses. Et même pas dans ces champs de concentration, il y avait le paix entre les communistes et les anarcho-syndicalistes. Il y avait des tentatives des communistes de dominer toutes les prisonniers dans le camp. Donc, comme contre-réaction, quelques-uns du DAS, ils ont fondé, avec d'autres éléments oppositeurs, communistes ou socialistes, ils ont fondé la 9e compagnie. C'est un nom parce que c'était les baraques numéro 9, je parle, le secteur numéro 9. Donc ils s'étaient accroupés. Donc il y avait déjà encore, disons, cette lutte entre les staliniens et les autres. Donc beaucoup des gens après de Gourse s'étaient restés en Espagne, en France, où ils sont en allés à Suède. Mais justement un an après, avec la Seconde Guerre mondiale, beaucoup des gens du DAS s'étaient pris par l'armée hitlérienne. Plus de 20 personnes s'étaient terminées dans les prisons hitlériennes ou des champs de concentration, et seulement 22 ont survécu la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, je vais finir. Après la guerre, quelques-uns voulaient continuer avec les activités anarcho-syndicalistes, spécialement en Suède. D'autres, en Allemagne, ils ont fondé une petite revue, un petit groupe de socialistes libertaires. Mais curieusement, d'autres, par exemple l'ex-délégué politique du groupe DAS dans le front, Michaelis, ils sont allés ou restés, parce que c'était leur pays encore, dans l'Allemagne, mais l'Allemagne soviétique. Ils sont entrés dans le Parti communiste, même ils ont eu des positions pas mal dans la hiérarchie communiste, dans l'état de la RDA, de la République démocrate d'Allemagne. Quelques-uns. Et quelques autres, ils ont réellement laissé tomber toute activité politique, ils s'étaient déceptionnés totalement. Parce que, en fait, si on veut résumer ça, le groupe DAS a subi deux échecs. Premièrement, l'échec des activités anarcho-syndicalistes en Allemagne avec la victoire de Hitler. Deuxième échec, la révolution espagnole, la guerre civile espagnole et aussi, disons, le conflit avec leur propre organisation. Frère ou mère, je ne sais pas, dans l'exil. Donc, ils ont subi deux exils. L'exil, premièrement, dans les pays voisins d'Allemagne, après l'exil en Espagne, et peut-être une troisième exil autrefois dans d'autres pays. Donc, avec ça, je finis. Merci beaucoup. Juste deux remarques avant de vous poser des questions ou des prises de position. Une remarque encore un peu technique pour faire ces deux livres dans deux langues. Comme j'avais dit, il y avait les deux chercheurs allemands, les deux qui ont fait des recherches en Espagne. Et on avait pour tous les deux que Harald et Carlos García sont en espagnol et Dieter Nelles et Ulrich Lies sont écrits en allemand. Donc les contributions allemandes ont été traduites pour l'édition espagnole, de l'allemand en espagnol. Et quand nous avons publié la version allemande, on a pris les textes allemands en original. Et aussi traduit les textes espagnols en allemand. C'est, la version allemande s'est un peu élargie par un annexe sur Etafeda, dont tu avais évoqué. Et je peux dire aussi, moi j'appartiens au collectif des éditions Grassroots Révolution, c'est aussi un mouvement, un journal anarchiste non violente. Peut-être vous vous posez la question. Pourquoi la raison d'anarchisme non violente va publier ça. Bon, pour nous aussi, comme pour tous les courants anarchistes, ça fait le patrimoine, notre héritage des gens qui sont fuyés de Hitler, et c'est ce qu'ils ont fait à Barcelone. Pour nous, tout d'abord, c'est une chose de savoir, donc une fête de connaissance. Il y avait très tard, On a pris pas mal de décennies maintenant pour faire des recherches là-dessus. Et pour nous, c'est tout d'abord une recherche de très grande valeur pour savoir ce qu'ils ont fait. Une autre chose, c'est pour tous les courants anarchistes, quelles conclusions va-t-on tirer sur ces expériences? Et c'est aussi la question que quelques militants dont Harald a parlé se posaient après la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait par exemple, Isaac Hofseher, il était réfugié en Suisse dès 1939, il est devenu anarchiste non violent. Rüdiger en Suède, il a abondé la lutte armée. Il y avait d'autres, même déjà un militant au sein de groupe DAS, Hans Noll, qui a en février et mars 2003 déjà eu un débat sur la signification, sur l'efficacité de lutte armée. Il se déclarait anarchiste non violente, il était expulsé à l'époque de DAS, mais c'est toute une autre chose de discuter la discussion, quelles conclusions ont fait les militants, quelles conclusions peuvent nous, en tant qu'anarchistes aujourd'hui, faire de cette expérience-là. Donc pour nous, ce n'était pas de problème, et on était même heureux qu'on était. Les auteurs ont proposé de faire ce livre-là en langue allemande chez notre maison d'édition. Donc, cela dit, j'ouvre le débat et j'aimerais bien que vous posiez des questions ou donniez votre avis. C'est sûr que le mouvement anarchiste allemand est très peu connu en France, donc on attend avec impatience la version française parce qu'on en saura plus. Moi, il y a quelques années, en fouillant dans les archives, j'étais tombé sur un livre de photos de Margaret Michaelis, dont tu as parlé. Et elle, je sais, elle n'est pas partie en Allemagne de l'Est, elle était déjà séparée avec son mari parce qu'elle a immigré en Australie. Et après, elle a plus milité. Mais ils lui ont rendu hommage à Valence il y a quelques années. Ils ont fait une expo de ses photos qui sont magnifiques. Et on trouve, ça aussi c'est introuvable en français, mais c'est un catalogue de ses photos. Donc, et j'avais fait une petite biographie sur elle, on doit trouver ça sur Internet quelque part. Et parce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, comme tous les autres militants, là, qui sont cités à la fin du bouquin. Là, il y a toute une série de noms, là, c'est intéressant. Je voudrais ajouter que dans la version espagnole, il y a un annexe qu'il n'y a pas dans la version allemande sur l'anarcho-syndicalisme allemand écrit par Dieter Neves. C'est toute une petite histoire de la FAO, du syndicat anarcho-syndicaliste. Toute une histoire résumée en quelques pages. Pas mal fait. Hein. Donc, les lecteurs de l'espagnol peuvent s'informer. La FAO, elle existe toutefois, oui. Mais c'est une groupe, quoi. Elle a dû se refonder. Il y a un groupe aujourd'hui de FAO qui existe, qui s'est refondé en 1977. Avant, il y avait un grand débat tout d'abord, les exilés qui sont étés en Suède, par exemple, ou en États-Unis. Rudolf Rocker était en États-Unis, ils ne sont jamais revenus, ils ne voulaient pas revenir en Allemagne. Rüdiger non plus, Kirchheim non plus, mais il y avait d'autres qui se sont réunis en Allemagne après la guerre, et ils ont tout d'abord, parce qu'ils ont été tellement petits, parce que le pays était complètement détruit, ils se sont mis un peu dans une démarche aussi un peu concipée par Rocker et Rüdiger participer dans des travaux de reconstruire, notamment au niveau de municipalité. Là, c'était leur premier travail. Et puis, ils ont fondé un groupe qui n'était pas vraiment un syndicat. C'était pas vraiment la Fédération des Socialistes Libres, FFS. Et bon, là, ils ont par exemple publié, ça c'est une des grandes démarches, le grand livre de Rocker en faveur de culture mélangée. Si la culture ne se mélange pas, il y a du nationalisme, et le nationalisme sépare, donc les cultures se séparent et s'affrontent. Donc ça c'est nationalisme et culture, c'était paru première fois en Espagne encore. Ah, ouais. Et puis il y avait déjà une version en États-Unis, mais ça a tardé jusqu'à 1952 que la version allemande était vraiment publiée en langue allemande. Donc, et là, c'était une vieille génération, et en 68, ils sont été tous trop âgés, et la FAO d'aujourd'hui, c'est une refondation des jeunes, on peut dire. Mais à l'époque où, fin des années 80, où Dieter Nelles et Ulrich Linse ont commencé leurs recherches, il y avait encore des gens qui vivaient, qui des membres de DAS, donc 5 ou 6, ils ont interviewé, ils ont fait un peu leur compte-rendu de leur vie. Donc heureusement encore, même très tardif, ils ont un peu capturé encore leur expérience. Peut-être ça, c'est pas peut-être trop clair encore. Tu peux encore un peu éclaircir le clivage entre Augustin Souchy et le DAS, parce qu'au début tu as dit il était membre de DAS, Souchy. Moi, je crois pas. Au moins en Espagne, il était hors du groupe, il était plutôt lié à la CNT, et il y a des anciens mise en question de Souchy déjà prise de pouvoir des nazis en 1933, parce qu'il y avait l'archive encore en Allemagne ou des grandes archives de FAOD. Et il y a aussi de l'AIT. De l'AIT, oui. Et c'était très très très tardif qu'on a essayé avec Souchy en tant que délégué responsable de le mettre en dehors de pays. Ils ont réussi de mettre quelque chose à Amsterdam, je pense. Quelque chose, si, mais disons, la majorité des archives de la FAO, il y a aussi de l'archive de l'AIT qui était à Berlin, c'est tombé dans les mains des nazis. Donc, dans un congrès en 1933 ou 1934, je ne sais pas pourquoi, il y avait des critiques, d'un côté des Rudiger, d'autre côté aussi des secrétaires, d'autres gens de l'AIT. Ils ont critiqué à Souchy pour ne pas avoir prévu avec suffisamment de temps, disons, de sauver toutes les archives, parce qu'avec ça, les nazis pouvaient très bien suivre aux anarchistes en Allemagne et tout ça. Et aussi, ils savaient assez bien, disons, les contacts internationaux et la FAO. Souchy ne voulait jamais reconnaître ça, bon. Là, il a toujours fait une déclaration de défense qu'on n'était que 4 000 alors qu'on était au début des années 20 un syndicat de 160 000. Mais maintenant, à 4 000, il a estimé qu'on était assez inimportant pour qu'il a pensé que les nazis ne vont pas saisir tout de suite le mouvement anarchiste. Donc, il pensait pas qu'on était assez dangereux. Et donc, c'est un propos un peu naïf, on peut dire. Mais de là reste, par exemple, déjà une tension entre Rudiger et Souchy, qui est encore revenu et qui a joué en partie un rôle aussi dans les débats dans la Révolution. Et puis Rudiger, après, il était très renommé dans le mouvement espagnol. Il est très tôt, il a même voyagé en tant que délégué international de CNT dans les années 30. Donc les Espagnols de CNT et FAI l'ont connu depuis longtemps. Donc ils ont fait leur confiance à eux, à lui. Et lui, il ne fréquentait pas le groupe de DAS. Donc il y avait dès le début cette, cette relation très très difficile de Suchi au sein de CNT-FAI et le DAS qui a fait des actions parfois sans savoir de, ou sans informer de Suchi ou à une envergure ou une radicalité aussi que Suchi n'a pas accordé. Et on doit y ajouter aussi le problème entre disons la IT et la CNT parce que déjà avant de la guerre il y avait disons quelques frictions entre les deux groupes. Le ex-secrétaire Arthur Lenin, le cofondateur de l'archive en Amsterdam, il a eu déjà des problèmes avec les Espagnols. Même quand il était à Madrid et après à Barcelone comme secrétaire de la IT. Et après, à partir de 1937, plus ou moins, quand on voyait, disons, que l'Espagne s'était tout seul, sauf quelques armes de l'Union soviétique, sauf quelques armes de Mexique, mais avec le boycott de tous les pouvoirs occidentaux, spécialement l'Angleterre et la France, les anarchistes espagnols, ils ont essayé de monter un groupe antifasciste général, disons. S'appelait SIA, Solidarité Internationale Antifasciste. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la AIT, c'était, disons, séparée du travail international de solidarité parce qu'on pensait qu'ils sont trop faibles, quelques raisons, parce que toutes les sections de l'AIT, sauf la suédoise, c'était très faible. Bon, c'était quelques groupes, quelques centaines de personnes. Ils n'avaient pas le pouvoir pour faire de la pression vers les mouvements ouvriers dans d'autres pays, comme en Angleterre, en France. Donc la CNT avait décidé de monter cet autre groupe. Donc au principe, au début, Rüdiger était totalement en contre. Le groupe DAS s'est senti très trahi par le Suchi, même dans un congrès en 1937. Ils ont revendiqué avec d'autres groupes d'anarchistes étrangers de séparer Suchi de toute fonction au sein de l'AIT. Mais ce qui se passait apparemment, là je viens de lire un bouquin, c'est la réaction des groupes français révolutionnaires face à ce qui se passait en Espagne. Ouais. Et c'est la participation au gouvernement que qu'une grande partie des anarchistes français n'ont pas accepté. Et le secrétaire général de l'AIT à l'époque, je crois que c'était Pierre Bénard, un Français, et la CNT, effectivement, qui était le groupe qui avait un effectif démesuré par rapport aux autres, voulait absolument la démission de Pierre Bénard. Et je ne sais pas s'ils ne l'ont pas obtenu, d'ailleurs. Donc là, cette division, tu en as un peu parlé, mais après, c'est ce qu'on retrouve tout le temps, quoi. Des anarchistes avaient le pouvoir, par exemple, en Catalogne. Ils se sont alliés avec des républicains, finalement, qui ne voulaient plus de révolution. Et bon, après, on ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire la révolution, de toute façon, et rester, pas partager le pouvoir avec les autres, là. Et ce débat était chez les Allemands, chez les Français, était partout. Oui, ce qui est très bien montré dans le livre, parce que là, on rentre dans les détails aussi. Par exemple, les détails de ce parcours de Michaelis, c'était déjà une scission dans le DAS sur la question comment est-ce qu'on doit vraiment collaborer 100% avec le CNT et leur politique, ou est-ce qu'on fait des choses autonomes? On a parfois fait des maisons autonomement qui a donné un peu des problèmes au CNT au niveau diplomatique, parce qu'ils sont été aussi dans ce genre-là de collaborer avec ou de s'échanger avec les diplomates, les consuls britanniques et les autres. Et là, ils ont mis un peu une tenue officielle. Et donc, le groupe DAS n'était pas rentré dans ce genre-là. Et puis, par exemple, Michaelis, qui a vraiment soutenu la militarisation, il a continu aussi dans ce parcours-là, parce qu'il était convaincu, là, par exemple, c'était l'argument majeur de l'efficacité. Hein, donc, il a soutenu la militarisation, parce qu'il a pensé que, c'était aussi une tension dans le groupement du Front, et le groupement de DAS, le groupe DAS à Barcelone, quand il était en Front, il a eu une opinion, on est trop chaotique, trop mal organisé à Barcelone et dans ce groupe-là, et il faut avoir une organisation efficace. Et bon, avec ça, il se rapprochait de plus en plus aux communistes, surtout déjà en guerre d'Espagne, et puis sa suite dans son parcours, pourquoi il pourrait entrer dans le Parti communiste en Allemagne de l'Est de l'après-guerre. Donc il y a toute une décision là-dessus. Et on voit aussi des choses un peu incroyables de quelques individus qui ne sont pas vraiment une tendance générale, mais des choses qui existaient, qui sont presque pas incroyable. Tu as déjà raconté de ce prise de contact avec l'aile, c'était plutôt de l'aile strasserien, ouvrier des nazis, dont a collaboré ce groupe qui a fait une tentative de scission dans le DAS de Götze. Mais il y avait aussi, par exemple, Heinrich Borts, qui était un membre de DAS, qui était capturé par... Gestapo. Voilà, Gestapo. Pendant la guerre ou non, après? Pendant la deuxième guerre, mais après la guerre civile. Ouais. Et là, il a fait un indique pour les. Donc, il est resté chez les nazis. Il a fait un indique pour les nazis. Donc, il a fait beaucoup mal, bien sûr, aux militants. Mais en même temps, par exemple, il pouvait aider quelques-uns. Hans Noll et Willy Winkelmann, par exemple. Willy Winkelmann a eu. Il était appelé le Baron Rouge. Et Borts, par exemple, qui était un dick pour les nazis, il a dit que bon, Baron Rouge, ça ne veut pas dire son prise de position rouge, c'est parce qu'il a des cheveux rouges, on va l'appeler comme ça. Il a sauvé comme ça. Alors. Il y a des itinéraires individuels comme ça. Oui, mais on doit y ajouter peut-être qu'il y a plusieurs cas, disons, des ex-combattants anarchistes ou communistes, ils étaient obligés par les nazis, avec des différentes formes, de collaborer avec eux, soit parce que sinon, au champ de concentration, au front en première ligne, ou répression vers les familles, tout ça. Non? Donc, dans la littérature, on peut trouver quelques-uns, toujours, des gens. Même j'ai trouvé, par exemple, un militant qui était en Aragon, qui après s'était utilisé par les nazis comme espion parachutiste en Angleterre. Les Anglais, ils se sont capturés tout de suite, mais bon, après il a raconté que bon, les nazis m'ont obligé. Si c'est vrai ou non. Moi j'ai une question, bon, ça sort un peu du thème, alors je voudrais savoir, parce que tu habites à Barcelone depuis 25 ans, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui actuellement de l'esprit. Ce mouvement anarchiste libertaire qui était tellement puissant au début du dans les années 30 en Espagne. Ouais. Parce que maintenant en Espagne, il y a des lois liberticides, des lois vraiment répressives hyper fortes. Et juste une petite parenthèse, aujourd'hui, cet esprit anarchiste, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est présent encore dans les rues? Oui ou non? Donc, ça dépend un peu de la définition. Qu'est-ce que c'est l'anarchisme aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il était à l'époque? À niveau d'organisation, c'est très faible. On sait ça. Bon, il y a encore une CNT, une moins deux, une moins trois. Et séparation, non, il y a la CGT, c'était aussi ex-CNT. En Espagne, la CGT, c'est pas comme ici des communistes. C'est, disons, de l'influence anarcho-syndicaliste. C'est plus fort que la CNT officielle, disons. La CGT, ils ont des gens pas mal dans le métro, dans les bus de Barcelone, par exemple, dans la grande usine des automobiles à Seat, non, de Volkswagen. Ils avaient quelques années avant, il y a quelques années, ils ont réussi de chuter, disons, les délégués officiels personnels du Comisiones Obreras, qui était communiste, pour son politique collaborationniste avec la direction de l'entreprise, tout ça. C'était des succès temporels et ponctuels, non? Mais il y a dans toute Barcelone, il y a un mouvement, je disais, disons, des jeunes, spécialement des jeunes. Les occupas, disons, non, des gens qui font des locales autogérés, font des petites revues, tout ça, sans toujours mentionner l'anarchisme dans leur titre, tout ça, mais qui peut être influencé par des idées anarchistes, des auto-organisations, pas des hiérarchies, pas des chefs, tout ça, non. C'est tout un magma dans la ville qu'on peut respirer s'il y a quelques actions. Par exemple, l'autre jour, il y avait une maison occupée. Bon, la police est venue pour quitter tous les gens dehors, mettre les gens dehors. Bon, c'était pas mal. Des gens qui se sont réunis devant de la maison, c'était 500 personnes au moins, plus ou moins. Voilà. Le soir, il y avait une manif. Quelques bons, il y a du tout, il y a aussi des groupes, disons, d'action directe, on brûle quelques trucs dans la rue, on détruit des vitrines des banques, on fait des fermetures sur les banques, je sais pas, sur les magasins. Mais c'est pas comme avant, bon, il n'y a pas une grande organisation qui englobe tout cet mouvement, cette tendance. C'est plus parcellé qu'à l'époque. Il n'y a pas non plus une espèce de débat très organisé sur des thèmes classiques d'anarchisme. Il y a d'autres influences, il y a l'influence aussi d'autres écoles de pansement, comment on dit ça, je ne sais pas. Pensée. Dans ces cas-là, bon, je ne sais pas, c'est l'anarchisme. Je sais pas. Tu sais encore quelque chose? Oui, je crois que ça existe toujours, l'esprit libertaire à Barcelone. Enfin, pas qu'à Barcelone, mais spécialement à Barcelone. Et c'est vrai, comme il dit, il n'y a pas les organisations qui se disent anarchistes. Elles connaissent le sort des organisations politiques partout, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont archi vieillissants, sont considérés comme des démocraties. Mais il y a la présence, c'est assez étrange, quoi, parce que chez les gamins de 16 ans, la présence de la révolution espagnole, elle est encore vivace. Quoi. Elles connaissent bien. Quoi. Même dans les occupas, c'est des squatteurs. Quoi. Pas c'est des squatteurs. Ouais, c'est vachement présent, quoi. Donc moi je pense qu'il y a l'esprit libertaire, il est encore très vivace. Enfin, je connais surtout Barcelone et l'Andalousie aussi, et même à Séville, ça existe encore. Non. C'est pas mort, quoi. Enfin, par rapport à la France, mais en France tout est mort. Alors, c'est difficile. Non, je pense que sa question c'est... On dit que la CNT, il y a eu 1,5 million de membres. Alors, ils n'étaient pas tous anarchistes. Ouais, parce que 2 millions. Voilà, ou 2 millions. Mais c'est sûr que quel pays a pu se... dans quel pays l'anarchisme a regroupé ouais, tant de gens, c'est le seul, quoi. C'est... Je tiens à la leçon de l'histoire, ils étaient de plus de 2 millions, et puis ce qui s'est passé en 1937, oui, c'est après, quoi. Oui, mais c'était pas parce qu'ils avaient des chromosomes pour être plus anarchistes, c'est parce qu'il n'y avait pas la guerre de 14, n'a pas eu lieu là-bas, et c'était un pays qui était du 19e siècle. Alors, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. D'abord, sur la question des chromosomes. Sur la question des chromosomes, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe. Après tout, c'est des scientifiques qui ont parlé de chromosomes. Je pense que c'est des raisons historiques qui ont fait que le mouvement anarchiste a pu être encore présent. Parce qu'il n'y a pas eu la guerre de 14 qui a éliminé toutes les élites. Comme il y avait la CGT en France avant 14. Ouais, mais ils ne sont pas tous passés au Parti communiste, les anars espagnols. La révolution en Espagne, c'est grâce à la guerre de 14. Ouais. Non, c'est parce qu'elle n'a pas eu lieu là-bas. Et que, C'est sûr que l'union sacrée en France a fait des dégâts dans le mouvement anarchiste. Ouais. Mais après, il y a eu la révolution bolchevique où beaucoup d'anarchistes sont passés. Il y a beaucoup de pays d'Europe, hein, que ce soit en Allemagne... où les gens sont passés au Parti communiste, et le Parti communiste n'avait aucune très très peu d'influence en Espagne. C'est plutôt ça, oui, la raison. Mais c'est peut-être pas à cause de la guerre. Des organisations anarcho-syndicalistes. Oui, non, mais ils auraient pu passer au PC. Ils auraient pu dire les bolcheviks, c'est super. Non, mais en France, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les mouvements avaient été détruits par la guerre. Mais il en restait. Oui, il fait par rapport à ce qui était avant. C'est un débat super compliqué là. Mais je crois qu'il y a déjà une explication, c'est que la France, elle était soumise déjà à l'industrialisation. Il y avait peu de pôles industriels en Espagne, à part le Pays Basque, la Catalogne. Et que la majorité de la population, c'était des paysans. Oui, il n'y avait pas d'histoire à l'histoire. Mais quand tu le dis, c'est péjoratif. Pour moi, non, c'est qu'il n'y avait pas eu cette évolution. C'est à la récupération du mouvement ouvrier, elle n'a pas eu lieu non plus. Et la citoyenneté, le culte à l'État, qui est une chose, c'est pas vous, je vais l'apprendre, très française, il n'a jamais existé en Espagne. C'est-à-dire que les Espagnols, l'État, ça a toujours été l'ennemi. C'était l'armée qui a réprimé tous les mouvements révolutionnaires depuis la fin du XVIIIe siècle, à peu près, en Espagne. Parce que l'armée en Espagne... Elle n'a pas eu tellement de conflits à partir du 19e siècle avec des pays étrangers. Elle a surtout servi à réprimer les mouvements sociaux à l'intérieur. Et puis, je ne sais pas, ouais, c'est un mouvement assez normal. Il y a Fanelli Bakounine qui arrive en Espagne, il parle des paysans russes, tout de suite, ça trouve un écho en Espagne. Tu vois, il n'y a pas eu... Les marxistes en Espagne, ils ont... À l'époque de Fanelli, ils avaient très peu de pouvoir. La conception de l'État, la conception de, même la conception de l'ouvrier, elle n'existe pas comme elle existait en Angleterre ou en France. Oui, c'était le paysannerie très très pauvre. Oh, très très pauvre, ça ne les empêchait pas d'être heureux. Hein. Il ne faut pas mélanger tous les critères. Hein. Ouais. L'Andalousie, c'était la Latifundio. L'Andalousie, c'était la Latifundio, mais c'est là aussi où il y a eu des expropriations, où ils ont brûlé le rituel bétail, où ils brûlaient les terres des propriétaires terriens. C'est là où il y avait Savoie, c'est là où il y a eu la première république à Cadiz, en Andalousie. Je sais pas, faut pas les pauvres, tu sais, les pauvres, ils sont pas forcément intelligents, mais ils sont pas forcément bêtes non plus. On conclut, on continue la... Ah, vas-y, c'est bon. Il y a une question qui est intéressante, qui est souvent occultée. C'est ce que tu as révélé, que même des membres de Judas se sont posé la question non seulement du débat, de la collaboration avec les républicains, mais aussi en termes d'efficacité d'action révolutionnaire par la violence. Et est-ce que ce débat a été porté dans ce milieu, peut-être est-ce qu'il a été étouffé, enfin, ou est-ce qu'on a considéré que ce n'était pas un débat pertinent, enfin, voilà. À l'époque, là. Oui, enfin, je particulièrement. Non, à l'époque, je crois. Après la guerre. Après 45, on va dire. Tous les espoirs ont été laminés. Quoi. Tout d'abord, il y avait toujours ce débat qui relève de la situation concrète. Soit on a des milices, soit on a une armée. Ça, c'est un débat. Milice, ça veut dire... Milice permet encore de poursuivre la révolution, tandis que l'armée est peut-être une machine de guerre plus efficace, mais ça, c'était le cas en Espagne, qui renverse la priorité, tout d'abord la révolution, puis la guerre en tant que milicien. Tout d'abord, gagner la guerre, puis la révolution qui n'existe plus à ce niveau-là, côté des arguments pour la militarisation. Ça a continué tout d'abord. Et puis après, les gens, ils se trouvaient, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une toute autre situation. Par exemple, nous, on n'est qu'un courant, mais on a une certaine critique de milice en tant qu'anarchiste non violent. Déjà dans la révolution russe, il y avait aussi des gardes rouges qui ont commencé à débattre, qui va nous mener dans cette offensive et qui va nous mener dans l'autre. C'était aussi un débat sur... Nous, on appelle ça un dynamisme de militarisation qui commence déjà dans les obligations que s'affronte un milice dans une guerre. Et donc, ça, c'est un élargissement de ça. Et on a trouvé, par exemple, pour l'Espagne, ceci est dans le livre qu'on a sorti sur l'héritage de Henri Ner, qui est ici le plus grand image là. On a eu une contribution de Dolores Marín de l'Espagne qui a fouillé quelques journaux d'anarchisme individualiste à l'époque, Iniciales et Tiempo, qui ont publié entre la révolte des Asturies en 1934 et la révolution 36, des voix des militants qui ont analyser la révolte de l'Asturie, tout d'abord en tant qu'anarchiste individualiste, avec une organisation beaucoup trop hiérarchique, autoritaire, du côté des anarchistes aussi, mais aussi ils ont fait une conclusion de la défaite sévère de la révolte de l'Asturie, que plus jamais faire la révolution avec un système milice. Ça existait à l'époque. Bon, le résultat, c'était en 36, c'était l'inverse, mais il y avait au sein du mouvement anarchiste un débat comme ça. Et en une certaine manière, on a repris un peu ces débats dans des conditions sociales et économiques complètement différentes de l'après-guerre. Bon, aussi, en Allemagne, avant de la prise de pouvoir d'Hitler, il y avait dans la FAO, il y avait des groupes d'autodéfense, les Schwarze Scharen, dans quelques lieux dans l'Allemagne, dans l'Est Allemagne. C'était des groupes d'autodéfense contre les nazis, les bandes nazies. Mais ils ont, et c'était un débat vraiment intéressant, je crois, à l'époque, parce qu'il y avait aussi une critique de quelques copains. Ils ont dit, bon, vous êtes avec aussi des uniformes, parce que c'était... Ils avaient des uniformes noirs. Ils avaient des trucs dans la tête. Des casquettes. Des casquettes métalliques, non, mais des bérets. Des bérets, oui. Donc, tout ça, bon. Donc, il y avait aussi des débats. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sûrement, on va se défendre contre les nazis, mais avec aussi la même esthétique qu'eux. Ça relève déjà, il y avait au début des années 20, au sein du mouvement de FAU en Allemagne, un débat un peu différent, mais comme ça, parce que là, il y avait le putsch de Kapp en 1920, et là, le mouvement anarcho-syndicaliste, comme j'avais dit, 160 000, il y avait une autre organisation syndicale de communistes de gauche à l'époque, qui a eu un autre syndicat à peu près aussi fort. Et là, ils ont déclenché un mouvement de grève générale, et ça, c'était une des plus grandes réussites, on peut dire, de l'histoire du mouvement ouvrier, parce que le putsch de Kapp, qui était déjà un putsch avec plutôt des militaires prussiens, encore un peu de l'ancien régime, mais déjà avec des gens avec le croix gammée dedans, des Freikorps, des soldats de droite et tout ça. Et cette grève générale a vraiment, après 5 jours, ce putsch était un effet. Mais à l'issue de ça, il y avait dans le mouvement anarcho-syndicaliste un débat sur ce qui s'est passé en cours après la grève générale. C'était une insurrection armée. On a fondé une armée rouge de Ruhr qui n'était pas soutenue, par exemple, par les autres centres, la commission en général et à Berlin, et aussi dans les Thuringes. Ce n'était pas soutenu non plus. Donc c'était très très vite restreint aux régions de Ruhr, et les réactionnaires, les sociodémocrates, masqués avec l'appui de la Wehrmacht, ils ont encerclé la Ruhr, et c'était un combat de un mois, un peu plus, qu'ils ont complètement écrasé cette insurrection-là. Et là, il y avait aussi déjà des débats au sein du mouvement anarchiste, parce qu'à l'époque, il y avait aussi un fort aile, on peut dire, déjà anarchiste non-violente. Ça revenait après, par exemple, il y avait une grande... discours de Rudolf Rocker à l'issue de la guerre devant les ouvriers des fabrications des armes. Abat les armes, c'était la parole à l'époque. Ne plus produire, on peut dire ça aussi aujourd'hui aussi, ne plus produire les ouvriers des armes, parce que ce sont les armes qui font le commerce des armes, qui font les guerres partout dans le monde. Ça, c'était le sentiment, et ça, c'était un sentiment de masse. Le sentiment de plus jamais la guerre, c'était très très fort, même dans les couches ouvrières, dans l'Allemagne de l'après-guerre. Mais avec cette armée de rouge de Ruhr, il y avait déjà des tensions entre les non-violentes et les propagandistes de résistance armée au sein de FAUD. Et aussi, il y avait un clivage parce que, en Ruhr, et à l'époque aussi, il y avait souvent une double affiliation, adhérence. Par exemple, il y avait des membres de FAUD qui sont été à la fois membres de Kapp et qui sont été jugés aussi révolutionnaires à l'époque. Et on a eu aussi cette groupe de révolutionnaires de gauche, le KAPD, à l'époque. Et là, par exemple, il y a même des études en Allemagne où on dit que, par exemple, pendant ce mois de armée rouge de Ruhr, comment se positionnaient les anarcho-syndicalistes, les communistes de gauche et les KPD, les militants de KPD. Et on a analysé, par exemple, c'était aussi un livre de Dieter Nelles, et où les clans qui ont montré que pendant ce mois-là, de plus en plus des communistes de gauche sont arrivés, parvenus à des positions décisives dans la lutte armée. On les appelait les communistes des carabineurs, les carabineurs communistes. Et par exemple, les anarcho-syndicalistes, ils ont un peu perdu par rapport à les communistes de l'influence. Déjà dans ce combat dans moi. Et là, il y avait par exemple des frères et d'autres qui ont fait par conséquence une interdiction de double adhérence. Ça, c'était un des grands débats après la grande défaite de l'armée de Roux et de ce mouvement-là. Et c'était vraiment fini. En 1922, quand l'armée de Roux était finie, il y avait une chute d'adhérence. Bon, ça c'était pas bien vu, cette interdiction de double adhérence, parce que ça concernait vraiment beaucoup de gens aussi. Et là, il y avait une chute des militants et des adhérents dans les syndicats qui a causé le fait qu'au début des années, on a eu 160 000 et puis à 4 000 au début des années 30. Et on peut comparer ça avec, disons, l'attitude de la CNT à l'époque. Disons, je crois qu'il n'y avait pas ces petites rigidités dans cette question, parce que je sais qu'au moins à Barcelone, il y avait beaucoup des membres de la CNT, des membres du parti radical catalaniste. Même pas, disons, communiste ou parti socialiste. Politiquement, il était au sein du républicanisme radical, catalaniste, mais laboralement, disons, dans le travail, dans l'usine, bon, c'était la CNT, bien sûr. Donc, et pour ça, peut-être aussi, on peut expliquer aussi le grand numéro d'adhérents à la CNT. Même dans les époques plus dures. Ouais, c'est pas tous des anarchistes. Hein, c'est ça. Ils ont rencontré la FAO, il était très clairement. Ouais. Seulement les gens avec un pansement plus ou moins anarchiste peuvent être dans. Pensez, parce que pansement. Ça fait un sens. Non, mais c'est joli. On avait compris. On se retrouve autour d'un verre, on continue la discussion. Donc je vous rappelle, bon, alors, merci Harald d'être venu de Barcelone. Je crois que tu es passé par l'Allemagne. Prochain rendez-vous ici, c'est le 5 avril. J'ai pas le papier, c'est le premier samedi du mois d'avril. La presse alternative, Mimmo Pucciarelli, qui viendra de Lyon nous présenter des exemples de presse alternative. C'est la suite d'un colloque qui a eu lieu il y a un ou deux ans, et qui, ça c'est les actes du colloque. Donc je vous rappelle, ceux qui lisent l'allemand, je vous conseille la lecture de celui-là. Ceux et celles qui lisent l'espagnol, je vous conseille ce livre. Et en français, vous avez celui-là. Alors vous n'êtes pas que des anarchistes, vous avez d'autres gens, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont, on l'a dit, qui sont même proches des anarchistes, comme les poulistes, les communistes marxistes critiques aussi, qui... Il y a encore deux livres. Ouais, il y en a voir qu'il faut qu'ils reviennent. Voilà. Et puis, si vous voulez des renseignements sur le CIRA, vous nous les demandez, à Marie-Yvonne, à moi, à Reinhardt. On a encore des exemplaires du calendrier 2014 qui est consacré au cinéma, si ça vous intéresse. Et puis, sinon, on boit un coup et on continue la discussion autour d'un verre. Il y a aussi la table du terminé, parce que je suis là. Moi, je suis venu là parce que c'est un vieil ami à moi. D'accord. Il y a un bouquin que j'ai déposé ici sur le Brésil, sur les prisons, qui s'appelle 400 contre 1. Ah, c'est d'accord, je suis au courant. Que j'ai traduit. Oui, donc il doit être peut-être sur la table. Il n'y en a plus. Et alors, il n'y est plus. C'est l'insomniac, un des derniers insomniacs. Oui. On va regarder. Il parle de beaucoup d'évasion, de révolte sociale au Brésil. Voilà. Le mec, l'auteur du bouquin, il a 73 ans, il est dehors avec un bracelet électronique. Il a passé. Il a donné des conférences à l'université à Rio à 73 ans avec son bracelet. Donc le titre du bouquin, c'est 1 contre 400 400 contre 1. 400 contre 1, voilà. William, il s'appelle Da Silva. Oui, William Da Silva Lima. Voilà. Je l'avais déposé. Ben, je sais pas, on va regarder parce que c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais ça fait un des nombreux livres à lire. Bon, facile. Facile. Cela aussi, si on parle la langue.